Chapitre 341. La réprobation de se tourner à droite et à gauche sans raison valable pendant la prière. 1755. Aïcha, radiallahu anha, rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur le fait de se tourner à droite et à gauche pendant la salat. Il répondit, « Satan dérobe de cette manière une partie de la salat du fidèle. » Al-Bukhari. 1756. Anas, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit, « Prends garde lorsque tu es en prière à ne pas te tourner à droite et à gauche, car ceci mène à la perdition. Et si tu dois vraiment le faire, alors que ce soit au cours de la prière facultative et non obligatoire. » At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. Note. Ce hadith est considéré comme faible par certains savants, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyah.